faubourg Tours fonce des fat cap, des cap four, doux souvenirs du passé. Mère des Sud, vivre ici si loin de leur pays d'enfance. Servent la France sans voter, subissent ses offenses. La délinquance, conséquence d'une jeunesse laissée sans espérance, vite lassée d'un manque de chance, de souffrance pouvant être comblée. C'est comblé, ne tombe pas du ciel accablé. Tout le monde rêve de liasse au réveil d'emblée. Les consciences sommeillent, ne s'éveillent pas, lampadaire en guise de soleil. Sur terre c'est triste, mais le dieu est l'oseille. Veille sur toi, refrais, c'est dur de se refaire. On flaire une fois trop, on part loin, et le cœur se serre. La pluie tisse à toi, je pense à mes gars plus loin de moi que toutes ces étoiles. Voilà tous ces gars tout tard dégringolent. Les photos décollent et puis s'envolent. Les barreaux nous séparent, l'état nous vole, la vie te froisse comme la tôle. Faut garder le contrôle, qu'on se le dise, tous on le savait. Mais les destinées, pire le pavé, nous a fait lâcher prise. Certains sont tombés, bafoués, vifs, méprisés. Aussitôt levés, la honte lavée. Sachez que votre souvenir reste gravé. C'est grave des mecs qui s'y vivent comme des bêtes enfermées. Stressé, frustré, la liberté, qu'en faire sans être fermé. Tu cherches le calme, tu trouves le feu. L'alarme en guise de chant dans un ciel bleu. Tu planes le vague à l'âme en ces lieux. L'âme perdue dans les yeux, les larmes aux yeux. Laisse-moi verser une larme. Témoins.